Les gens, c'est sûr que leur rapport à la mort était différent, mais dans ce temps-là, les gens étaient aussi plus, il y avait plus le secours du spirituel, puis même de l'astral. Je veux dire, c'est au 19e siècle que le spiritisme est devenu à la mode, puis on se comprenait les vivants en photo avec des morts. Ben, c'est comme quand j'étais petit, j'ai été pris en photo avec des morts, tu sais, qu'au salon funéraire. Ah ouais. Parce que, ben oui, c'était tout à fait normal. Quand quelqu'un mourait, souvent, il disait « Envoie-va en avant de la tombe, là. » Puis là, je me mettais en avant de la tombe, puis je faisais une face genre neutre un peu, puis je te prends en photo avec la mort. Puis ça, aujourd'hui, on voit plus ça. J'ai des photos de moi avec des morts. Je veux dire, puis on voit plus ça. Je suis allé dernièrement, quand mon beau-père est décédé, je suis allé au salon funéraire. Fait que je mets mon habit noir, ma cravate noire, puis ma chemise blanche, puis je vais au salon funéraire. Je suis tout seul en habit. Il y avait deux personnes en habit, il y avait moi puis le mort. Puis là, j'étais comme. Puis là, je vois les jeunes qui sont là, puis sont là, ils pitonnent sur les téléphones. Puis moi, quand j'étais jeune, je tolérais. Je voyais juste quelqu'un mâcher de la gomme dans le salon funéraire, puis je venais en colère, là. Non. Bon, mais il reste que je regardais ça au salon funéraire, puis c'était complètement différent de ce que j'avais connu. Puis même quand j'étais enfant, ils savaient encore embaumer le monde, là, à cette heure. Je veux dire, c'est une compagnie américaine qui a racheté la maison funéraire ici, puis toutes les morts sont mal embaumées, sont toutes couleur olivâtre, sont vraiment en lettres, là. Tellement, en plus que mon beau-père, il avait donné la directive de ne pas l'exposer. Fait que j'étais comme choqué. J'étais comme choqué pour lui. Puis pendant que j'étais assis là, j'y parlais. Puis j'ai dit, ils ont décidé de t'exposer pareil. Puis regarde comment t'es embaumé. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais là, tu sais, je sentais pas un contact qui me répondait. Mais je lui disais quand même ce que je pensais. Je lui ai dit, c'est bien triste de voir ça. Dans le fond, t'es tout aussi bien mort. Regarde vers où on s'en va. Là. Puis là, ça, regarde ta soeur qui pitonne comme une tarte pendant que t'es couché dans la tombe. Fait. Là, en plus, c'était pendant les règles sanitaires. Fait que là, j'avais le droit de pas avoir mon masque si j'étais assis. Fait que là, je regardais ça, puis je dis, heureusement qu'ils t'ont pas exposé de bout, t'as un masque d'en face. Mais ça me fait rire. En tout cas, pendant les règles sanitaires, parce que j'étais à des funérailles, puis là, on se faisait remettre des masques noirs. Parce que ça allait Ben. bien que les funérailles, il fallait mettre des masques noirs. Moi. En tout cas, Ouais. Oui, c'est assez. c'est ça. Mais ça a changé le rapport à la mort avec le temps. C'est sûr que notre société, il y a beaucoup de gens qui vont faire le reproche de la quête de l'immortelle jeunesse, puis les vedettes hollywoodiennes, puis c'est comme il y a un déni de la finalité où le sujet de la mort c'est un tabou, d'où le fait que il y a plus des expositions de 3 jours comme nos ancêtres, puis des choses Ben qui duraient oui. longtemps là. Donc, jusqu'à un certain point, il faut faire le deuil de notre propre vie. Si on veut vivre vraiment. C'est paradoxal parce que tant qu'on n'accepte pas certains aspects, comme par exemple que le corps biologique, un jour, il va arrêter, ça crée une pression, ça crée une tension, ça crée une lourdeur, puis quelque part, ça peut rendre le corps malade. C'est pour ça que je te dis, les gens qui veulent s'immortaliser, on dirait qu'ils se rapprochent de la mort. Au Oui, je contraire. comprends, parce que ça peut amener une dépense d'énergie en résistance à des principes vitaux qui sont là. C'est comme si on veut aller contre la nature, on veut Ouais. résister. Puis là, ça crée à ce moment-là une tension, une forme de blocage là, par rapport à ce qui doit être là. Ben oui, ben dans le fond, c'est ce qu'on appelait anciennement, c'est des affaires contre nature. Ouais, c'est comme une perversion de l'esprit humain.